Allô, allô! Bienvenue au Lobster 15.0, un lobster d'automne. Un lobster bien chaud et luisant qui sera votre meilleur remède contre la grisaille d'automne qui nous arrache lentement de notre confort. Un lobster qui, comme un bon chocolat chaud, viendra vous réchauffer l'intérieur. Cette semaine, le lobster a passé une partie de sa semaine en vacances et je suis en train de mettre de l'ordre dans ma tête en direct du chalet. Alors que mes parents écoutent en ce moment Occupation Double en Grèce en buvant du bouillon de poulet avec du bon jus de tomate dedans, moi je mets par écrit une partie de mes aventures. Car oui, je sais pas pourquoi, chaque voyage se transforme en expédition incroyable. J'y échappe pas. Donc dans ce lobster, on parlera évidemment de mon voyage au chalet au Saguenay, où, sans vous vendre de punch, le destin a fait croiser ma route avec celle d'un canoë hanté par des esprits voyageurs des Premières Nations. On parlera aussi de pancartes d'élection, de manga, d'ail, de pivoine et du poêle à bois qui est en train de m'achever. Oui, celui-là, on peut en parler dès maintenant, car depuis que le poêle à bois est installé dans le chalet, mon père prend plaisir à le chauffer. Puis dès le premier soir de mon arrivée, il a voulu me montrer comment il chauffait bien. Il nous a donc fait passer la température intérieure de 22 à 28, ce qui achève de me faire mourir au moment où j'écris ces lignes. En effet, quand je suis pogné dans une pièce trop chaude pendant trop longtemps, je file pas bien. J'ai un début de mal de tête et un peu mal au cœur. Donc, je termine rapidement mon introduction et je vais sortir dehors un instant sur la galerie qui me permet de reprendre vie. Ce lobster d'automne gardera aussi une petite place bien au chaud pour vous parler d'une artiste avec qui j'ai eu la chance d'échanger quelques mots. Une auteure-interprète de slam et poésie, Mel Buet. Donc, au détour, nous ferons un petit arrêt en Slamésie. Et bien sûr, sur les braises de Slobster, il y aura toujours place pour vous parler de tout, mais jamais de rien. Donc, on démarre ça avec une petite chanson et on entre directement dans le vif du sujet, car cette semaine, j'ai beaucoup trop de choses à vous dire. Dieu sait que je suis sans haine. Suis sentimentale, mais là j'ai bien trop de peine. Il y a des failles, des tailles, je confesse, j'ai le vide en dessous. Un homme que ne taille en plus du reste, j'ai peur de tout. J'ose, je reste sans voix. Je reste sans voix. Farmer, la chanson sentimentale de son nouvel album Désobéissance, qui est tout beau, tout frais, sorti du jardin le 28 septembre. Un petit retour sur un précédent Lobster où je vous disais que dès les élections passées, j'irais me ramasser de belles pancartes électorales. Eh bien, saviez-vous que j'avais fait patate? Patati et patata, petite patate, tant pis pour toi. Oui, tant pis pour moi. Et patati et patata, des gens peu scrupuleux qui respectent pas les règles ont été ramassés les pancartes que j'avais ciblées pour ramassage post-élection. Alors que j'avais prévu commettre mon propre larcin dès le lendemain des élections, je suis arrivé au matin devant des poteaux vides. Alors que j'apportais mon plus jeune garçon à l'école, j'ai remarqué que les jolies pancartes drôles du PQ que j'avais prévu ramasser avaient disparu. Quel manque de civisme de voler les pancartes le soir même de l'élection. Mais bon, il me reste deux ou trois députés encore qui traînent dans le garage, je vais sûrement pouvoir survivre. Mais je suis déçu. Déçu de m'être fait doubler. Puis en plus, j'ai pas gagné mes élections. Tout le monde parle de politique de ce temps-ci. Pas étonnant. On s'est fait passer un Québec en 1960 et on le regrette. Le peuple s'est dit, on va s'essayer avec les libéraux. Mais ça a pas marché. Non seulement ça a pas marché, mais Le Sage et l'Évêque n'ont même pas pu finir leur mandat. Les libéraux ont fait marcher la province de Québec, mais c'est fini, on ne marche plus. Les 19 nouvelles taxes, les promesses qui finissent en queue de poisson, les dettes, c'est pas pour donner à personne un goût de revenir-y. Mais le programme de l'Union nationale, ça c'est réalisable. C'est l'exemption de base portée à 2 000 $ pour les célibataires, 4 000 $ pour les gens mariés. C'est un fonds de pension transportable. C'est un salaire minimum d'$1 pour tout le monde. Et c'est un tas de réformes pour aider les familles du Québec. Ça fait que le 14 novembre prochain, votez donc pour le bon sens. C'est la seule façon de mettre de l'ordre dans le Québec. Ça, c'est le bon sens, et ça, c'est l'Union nationale. Oui, ça, c'est l'Union nationale, avec un salaire minimum à 1 $ pour tout le monde. Mon voyage au chalet au Saguenay, je l'attendais, je l'anticipais, et j'ai pas été déçu. Vendredi dernier, dès ma journée de travail terminée, j'ai tout nettoyé ma maison, aspirateur, lavage de plancher, poussetage, lave-vaisselle, le gros kit. Je voulais partir le lendemain, la maison clean, car au retour, j'aime bien revenir dans une maison propre. En soirée, j'ai bien sûr préparé ma valise et embarqué mes multiples cadeaux. Car oui, j'ai toujours des cadeaux quand je pars au chalet. Comme j'ai la maladie d'acheter tout ce que je trouve beau à la boutique de dons Renaissance, j'accumule plein de choses que j'ai pas besoin, mais que je me fais un plaisir de refiler à la famille. J'ai donc embarqué mes 3 tucs des expos, que j'avais payé 1,25$ chacune et qui, je peux déjà vous l'affirmer, ont fait des heureux en la personne de mon père et de mon frère. J'avais aussi des livres de la Pat Patrouille pour le petit garçon à mon frère, un livre de collection de tous les timbres canadiens de 2007 pour ma mère qui les collectionne, et finalement pour mon père qui était monteur de ligne pour l'Hydro-Québec, un vieux livre de 1957 sur l'électricité. Un livre qui explique toutes les notions électriques connues en 1957. Donc, un beau ramassis de choses que la boutique Renaissance est toujours contente de se débarrasser auprès de moi, leur meilleur client. Donc, mes cochonneries, ma valise, mes caméras, trépieds et linge chaud embarqué dans l'auto à laquelle j'avais fait enfiler ces souliers d'hiver cette semaine en prévision de la traversée du pape, qui en octobre se couvre habituellement de son premier manteau blanc, j'étais prêt pour un départ samedi matin. Donc, comme à mon habitude, je me suis couché tard, j'ai fait des rêves incroyables et je me suis levé tard. Au matin, il faisait frais, 8 degrés à Notre-Dame-de-l'Île-Perrault, et heureusement, j'ai pas frappé de trafic dans ma traversée de Montréal. Ça roulait bien, et comme j'écoutais différents podcasts pour accélérer le voyage, je me suis ramassé en moins de 2 dans le parc des Laurentides. Heureusement, je roulais pas trop vite, car seulement pour me rendre dans le parc, j'avais déjà rencontré 7 polices, et comme je suis pas à mon premier ticket lors de mes voyages au Saguenay, j'étais bien content d'être rendu aussi loin sans en avoir attrapé un. De parler d'étiquette me rappelle justement un vieux souvenir que je vous raconte en aparté. Je prends quelques minutes pour vous raconter ce souvenir d'étiquette. Au moment d'entrer à l'Université de Sherbrooke dans les années 90, je n'avais plus de voiture. On avait décidé de revendre la voiture qui m'avait servi de carrosse durant le cégep. Et manque de chance, juste avant de partir à l'université, j'avais attrapé un ticket de vitesse de 120$ avec la voiture de mes parents. Et j'avais pas vraiment l'argent pour le payer. Donc, en remplissant le constat d'infraction, je m'étais prévalu d'une option très intéressante. Le droit de faire des travaux compensatoires pour payer mon amende. Donc, j'avais coché les cases nécessaires et renvoyé mon constat d'infraction. Heureux de ne pas avoir à le payer. Mais quelques semaines plus tard, la bureaucratie ayant fait son travail, j'avais reçu un appel me disant que je devais me présenter 2 samedis de suite dans un centre d'habitation pour personnes à mobilité réduite pour faire du bénévolat. Bon, pas vraiment du bénévolat, car pour chaque heure que je serais là, on déduirait 10$ de ma facture. Donc, le samedi arrive. J'ai trouvé la rue où me rendre sur une carte, car malheureusement, Internet est encore assez balbutiement à ce moment-là et je ne peux pas encore compter sur Google Maps pour m'aider à trouver l'endroit. Donc, le matin, fébrile, j'attends l'autobus de ville qui doit m'amener sur place. Dans ce temps-là, prendre l'autobus devait coûter quelque chose comme 75 cents quand tu payais directement au chauffeur. Et je sais pas pourquoi, ce matin-là, j'avais décidé que j'avais pas 75 sous pour l'autobus. Donc, je m'étais rempli la main de 5 sous, une dizaine, qui, je me disais, suffirait à contenter le chauffeur d'autobus. L'autobus arrive donc, j'embarque et verse ma poignée dans le bidule qui les ramasse. Gentil, le chauffeur me sourit. Plus tard, alors que je m'étais assis pas trop loin, j'ai entendu le chauffeur dire, alors qu'il parlait avec la personne assise proche de lui, « Il n'y a sûrement pas 75 sous là-dedans. » Mais bon, il avait appuyé sur le piton pour faire disparaître les sous dans le coffre et il m'avait pas demandé de sortir. Depuis ce temps, je paye rubis sur l'or. Question de ne pas m'attirer la honte pour quelques sous. Arrivé au centre où je dois travailler, je me présente au responsable et il m'indique ce que je vais avoir à faire. De la cuisine. Ah oui? Oui. Sous la responsabilité d'un ancien prisonnier, je vais préparer la nourriture pour les gens du centre. À ce moment de ma vie, la cuisine n'était pas l'un de mes points forts. Heureusement, j'ai remédié à cela depuis. Mais sous la responsabilité d'un ancien prisonnier, je commence déjà à douter de mon choix de ne pas avoir payé mon ticket avec ma bourse scolaire. Mais bon, je ne peux plus reculer. On m'a expliqué que si jamais je ne faisais pas mes heures de travaux, j'aurais le droit à l'emprisonnement un certain nombre d'heures pour rembourser le ticket. Comme quoi, il faut toujours bien lire les petits caractères avant de s'embarquer dans des histoires comme ça. Donc, le responsable me présente Raoul, le responsable de la cuisine, un gentil tatoué avec moustache d'une cinquantaine d'années. Dès lors, il me met à l'aise de sa voix rude en me faisant venir près de l'évier où il me montre tous les longs couteaux à cuisiner. Tu dois savoir, les couteaux, on les met jamais dans la vaisselle. Et on les met jamais dans l'eau de lavage dans l'évier. C'est trop dangereux. Les couteaux sales, on les laisse sur le comptoir sur une serviette. Et on les lave chacun le tour en faisant bien attention. C'est compris? Oui, c'est compris. En passant, saviez-vous que depuis ce temps-là, je lave tous les longs couteaux à mesure qu'ils sont sales et je ne les mets jamais dans mon lave-vaisselle. Mais bon, continuons. Donc, Raoul à moustache m'explique le plan de lave-amitié. Ok le jeune, c'est quoi ton nom? Frédéric. Ok Fred, tu dois faire 5 grosses pizzas. Le samedi, au menu du dîner, c'est toujours le roast beef. Mais il y a des pensionnaires qui en voudront pas et qui vont vouloir manger autre chose. On leur fait donc de la pizza. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas les faire. Ok. Ça te va? Tu sais comment faire une pizza? Oui, bien sûr. Donc, les ingrédients sont là, je te l'espère. Moi, j'ai des patates en purée à préparer. Fais bien attention au couteau, comme je t'ai dit. Oui, ça va. J'ai donc préparé les pizzas. Et quand j'ai eu fini avec mon couteau qui avait servi à couper le gros salami, je l'ai déposé avec les autres. Et mon ami Raoul s'est occupé de les laver pendant que moi, je mettais le reste des affaires sales dans le lave-vaisselle semi-industriel. Plus tard, comme on n'était pas des esclaves et que j'étais juste un pauvre étudiant qui veut pas payer son ticket, j'ai appris que pour mon heure de dîner, j'avais le droit de manger au centre gratuitement. Tant mieux, car j'avais pas prévu de lunch. Et comme j'étais étudiant, le roast beef de Raoul devenait la meilleure chose que j'avalais depuis des semaines. Ce midi-là, je me suis régalé. J'ai jasé avec les gens du centre qui voulaient savoir pourquoi j'étais là. Et comme c'est comme ça, après avoir raconté mon histoire et repris une deuxième assiette de roast beef, mon heure de dîner s'est passée tranquillement en bonne compagnie. Ensuite, après ce magnifique repas, j'ai retrouvé mon Raoul en cuisine, où sous sa supervision, on s'est occupé de tous les plateaux de vaisselle sale. Ensuite, je me souviens qu'on m'a fait balayer et passer la mop sur les étages. Voilà, j'ai suivi cette routine 2 samedis d'affilée. Et à la fin de mes 12 heures de bénévolat forcé, je me souviens d'avoir demandé au responsable qui signait mes papiers si je pouvais revenir encore pour travailler en cuisine. Il m'a demandé pourquoi, et je lui ai dit à la blague que c'était pour pouvoir revenir manger du roast beef. Il a trouvé ça drôle, mais ne m'a pas offert de revenir. J'imagine que c'est probablement qu'il avait remarqué la taille de mes 2 assiettes de roast beef et évalué que ça lui coûterait trop cher de m'avoir revenir. Donc c'est ça, mon souvenir de ticket s'est gravé dans ma mémoire à côté du mot roast beef. On écoute un petit bout de chanson et je vous reviens immédiatement avec la suite du récit de mon voyage. Où, passé l'étape, je décide d'arrêter marcher au lac Jacques-Cartier où mon safari photo sera chamboulé par un événement imprévu. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Thank you. jamais vos garçons. Donc samedi, vers 12h30, j'avais complété la première étape de mon voyage. Quand je descends au chalet, j'aime m'arrêter à la halte routière passer l'étape. Cette halte donne accès au lac Jacques-Cartier. C'est le lac que je vous ai déjà parlé dans un précédent Lobster où des lingots d'or ont été trouvés. Mais cette fois, c'est pas de l'or qui m'attendait. Non, c'est autre chose de pas mal plus excitant. Après avoir ramassé mon appareil photo et ma caméra, je suis allé marcher sur la grève, sur le beau sable coloré. À cet endroit, il y a du sable blanc, du sable brun, puis à certains endroits, le sable recouvre des couches de glaise qui donnent parfois de couleurs ternes à l'eau. Après avoir installé ma caméra pour qu'elle filme les vagues sur le lac, j'ai continué ma marche dans le sable. Le vent était frais, les couleurs des arbres étaient jolies, même si dans le parc, c'est pas la meilleure place pour apprécier les couleurs de l'automne, car c'est pas mal plus du sapin puis de l'épinette, donc c'est pas mal plus vert que d'autres choses. Après avoir marché une dizaine de minutes sur le bord de l'eau, en regardant partout, en cherchant de jolies choses à prendre en photo, il y a quelque chose qui a attiré mon œil. En effet, le soleil se reflétait sur quelque chose de métallique, et j'ai commencé à m'exciter. Je me suis dit, il y a quelque chose qui brille là-bas qui n'était pas là la dernière fois que je suis venu. Faut absolument que j'aille voir c'est quoi. Et surprise! Alors que je croyais trouver un gros baril métallique échoué ou autre chose tout aussi inutile, ne voilà-t-il pas que je trouve un gros canoë ensablé sur le bord de l'eau, rempli d'eau et de sable. Donc dès lors, mon cœur s'emballe au même rythme que les histoires se forment et se déforment dans ma tête. Et je me demande s'il n'y a pas un noyé qui flotte sur l'eau. Mais je vous rassure, à voir le bateau bien ensablé, je me dis que c'est pas un naufrage qui date d'aujourd'hui. Donc, je dépose tout mon stock de caméras puis j'inspecte le bateau, qui est un long canoë de marque Mato. Il a au moins 8 pieds de long et il est rempli de sable puis il est rempli d'eau. Puis dès lors, une idée un peu saugrenue se forme dans ma tête. Pourquoi je l'embarquerais pas dans ma voiture pour le ramener avec moi? Pour l'instant, le canoë est à personne, et s'il reste là, les glaces de l'hiver vont le détruire. Donc, mon cerveau me dit « Ramasse-le, ramasse-le! » Et je réponds « Pourquoi pas? » Donc, je retourne à mon auto qui est quand même loin, puis je me change, je mets mes bottes à tuyaux et du linge un peu moins propre. Et j'imagine un plan, j'ai des doutes sur la longueur du bateau, je suis pas sûr que ça rentre dans mon VUS. Donc, j'ouvre mon coffre d'équipement, où je garde toujours une hache bien aiguisée, un ciotte, de la corde et des outils. Et je ramasse la corde avec laquelle je mesure la longueur et largeur disponibles dans mon auto. Ensuite, retour à l'embarcation. Et selon mes évaluations, ça rentre vraiment pas dans mon auto. Donc, j'oublie l'idée de repartir avec, mais je veux pas laisser mon canot comme ça. Donc, je décide de le sortir de sa fâcheuse position. Avec un gros bâton, j'amollis le sable dans le fond de l'embarcation, puis j'en retire une partie avec mes mains. Ensuite, quand je pense que j'en ai assez retiré, je me mets sur le bord du canoë et il bouge de gauche à droite. Avec l'eau qui bouge dedans, ça permet de faire sortir du sable grâce aux vagues que j'arrive à faire. Puis après un bout de temps, j'arrive à retourner complètement le canoë qui flotte à l'envers sur l'eau. Je le ramène sur le bord de l'eau, le retourne juste assez pour pouvoir terminer de faire tomber le sable qui est collé au fond. Une fois le bateau bien nettoyé, je le remets dans le bon sens et je le vide de son eau. Puis c'est là que j'ai attaché au bout du canoë la corde que j'avais apportée. Puis j'ai commencé à traîner le bateau sur le bord de l'eau derrière moi. J'ai spoté un coin où je pouvais le sortir de l'eau. Puis rendu à mon spot, j'ai tiré le bateau sur la grève, puis je l'ai monté suffisamment loin de l'eau, puis je l'ai attaché après un gros arbre. Donc, dans ma tête, mon plan était très clair. Je vais trouver quelqu'un de la famille au Saguenay qui a un camion et qui va bien vouloir venir le rechercher avec moi. Surtout que le bateau est encore comme neuf. Je l'ai inspecté et même s'il a probablement cogné sur les roches un peu avant de s'ensabler, il n'y a que 3 jobs de fibre de verre à lui faire pour le remettre à neuf. Il y a juste 3 endroits où c'est légèrement abîmé. C'est pas troué, mais ça mérite qu'on réapplique du fibre de verre pour s'assurer de son étanchéité. Donc, quelques minutes plus tard, je regarde mon canoë une dernière fois et retourne à ma voiture. Je suis tout sale, j'ai de l'eau qui est entrée dans une de mes bottes, puis mes pantalons sont aussi ensablés que l'embarcation quand je l'ai trouvé. Alors que je roule vers le chalet, j'arrête pas de penser à mon bateau et aux morts qui flottent peut-être sur le lac Jacques-Cartier. Mais plus j'y pense, plus je me dis que l'histoire est probablement moins compliquée que je ne veux l'imaginer. Sur ce lac, je pense qu'il y a des chalets de la CEPAC que les gens peuvent louer. Ce long canoë, même s'il n'y a pas de marque d'identification de la CEPAC, s'est probablement détaché d'un kit chalet pour dériver et s'échouer où je l'ai trouvé. Donc pour l'instant, alors que j'écris ce bout d'histoire du chalet, où il fait vraiment vraiment trop chaud, c'est ce que j'ai en tête. Mon père m'a conseillé d'arrêter au retour au poste de police proche de l'étape pour leur signaler la découverte. Donc, c'est à suivre. Promis, d'ici la fin du Lobster, je vous raconte ce que j'ai fait. Pour l'instant, les mots et les idées voguent encore trop dans ma tête pour que je sois fixé sur le sort de mon précieux. Now giving to the night. Heavens are above the stars, the blooming meadows seduce and intoxicate. With this d'écouter Among Stars du groupe Amorphis. Durant les dernières semaines, je vous ai parlé de séries d'animation japonaises que j'écoutais avec mes garçons, Danmachi puis Log Horizon pour pas les nommer. Comme on a terminé de les écouter, on est passé à autre chose, puis je voulais partager avec vous notre découverte. Le nom de la série qu'on écoute en ce moment sur HDS.to se nomme Sword Art Online. La prémisse ressemble beaucoup à celle de Log Horizon, des joueurs qui sont pris à l'intérieur d'un jeu. Mais à l'écoute, c'est complètement différent. Ils n'exploitent pas vraiment les mêmes cordes. En voici le synopsis. Sword Art Online est un jeu de rôle en ligne massivement multiplayer en réalité virtuelle, sorti en 2022. Avec le Nerve Gear, un casque de réalité virtuelle stimulant les cinq sens de l'utilisateur, les joueurs peuvent contrôler leur personnage dans le jeu avec leur esprit. Le jeu est bêta-testé par des joueurs, puis est enfin commercialisé. Le 6 novembre 2022, plus de 10 000 joueurs se connectent au jeu pour la première fois et découvrent plus tard qu'ils sont incapables de se déconnecter. Ils sont ensuite informés par Akihiko Kayaba, le créateur du jeu, qu'ils doivent atteindre le 100e palier de la tour du jeu et vaincre le boss final pour être libre. Cependant, si leur avatar meurt dans le jeu, leurs corps mourront aussi dans le monde réel. L'un de ces joueurs est Kazuto Kirikagaya, connu alors sous le pseudonyme de Kirito. Ce dernier avait été choisi comme l'un des 1000 bêta-testeurs de la bêta fermée. Comme il avait de l'expérience et la connaissance du jeu, il sentait qu'il pouvait finir le jeu facilement. En conséquence, il s'est mis à jouer en tant que joueur solo. Lors du premier jour, 213 personnes meurent car leurs proches tentent de les débrancher du Nerve Gear malgré les avertissements qui apparaissent à l'écran. Et durant le premier mois, plus de 2000 personnes meurent, soit en étant tuées dans le jeu, soit parce que le corps réel n'a pas été transporté à l'hôpital. En effet, le Nerve Gear intercepte toutes les sensations et la faim, la soif ou le sommeil d'un joueur dans le jeu n'a rien à voir avec l'état réel de son corps qui est plongé dans une sorte de coma. Bon, je peux pas vous lire la suite du synopsis. Elle révèle des choses trop importantes sur l'intrigue. Je veux pas vous gâcher le plaisir d'être surpris. Donc, Sword Art Online, une série qui, après 23 épisodes sur 50 d'écoutés, nous séduit encore. Attention, c'est différent de Log Horizon, c'est pas de l'action tout le temps. Il y a des épisodes plus smooth, dont un que l'on a vraiment apprécié, où Kirito se transforme en enquêteur et essaie de comprendre comment quelqu'un a pu être tué dans la zone de la ville où, habituellement, le jeu ne permet pas de kill dans cette zone. Donc, une vraie enquête qui révélera des choses surprenantes sur les joueurs et leur état d'esprit. On écoute un petit bout d'une des épisodes pour vous faire sentir de quoi il retourne. J'ai peur. T'en fais pas. Je pense que c'est une cérémonie de présentation. Chers joueurs, je vous souhaite la bienvenue dans mon monde. Comment ça, son monde ? Je m'appelle Akihiko Kayaba. Je suis actuellement le seul être humain capable de contrôler ce monde. Ah ! Je pense que vous avez maintenant tous remarqué qu'il n'y avait pas l'option déconnexion dans le menu principal. Sachez qu'il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Je répète, ce n'est pas un dysfonctionnement, mais une caractéristique de Sword Art Online. Quoi ? Comment ça ? Il est impossible aux joueurs de se déconnecter de leur propre chef. De plus, aucune personne de l'extérieur ne peut éteindre ou vous retirer le Nerf Gear de force. Si quelqu'un tentait de vous enlever le Nerf Gear, l'émetteur contenu à l'intérieur enverrait alors de puissantes ondes qui détruiraient complètement votre cerveau et mettraient ainsi fin à vos jours. Quoi ? Mais c'est une blague ! C'est une mise en scène pour bon, ouais, jeux, moi j'en ai marre de ces conneries. Voilà, Sword Art Online, une bonne petite série à ajouter dans votre liste de choses à écouter. Cette semaine, un petit peu moins de musique que dans Lobster, j'ai beaucoup de choses à dire. Vous savez que je cours les marchés aux puces, bon, car j'aime ça, puis que j'y trouve des choses à des prix qui défient l'entendement. Donc, une des premières choses que j'ai faites en arrivant au Saguenay, avant de monter au chalet, c'est de me rendre au marché aux puces de l'île de Chicoutimi. Avant, il était sur la rue Racine, mais suite à un dégât d'eau il y a quelques années, la dame qui vend des livres usagés est déménagée au 435 rue Saint-Anne. Je vous donne l'adresse des fois que certains d'entre vous passeraient par là. Moi, je m'y suis donc rendu et miracle, elle avait plein de BD que j'avais pas. Et à un prix encore plus bas que la boutique Renaissance, j'en revenais pas. La majorité des BD était à 1$, oui, 1$. Puis j'ai quand même réussi à me monter une facture de 32$. Car oui, j'ai trouvé des BD dans un format spécial un peu plus gros, avec plus de pages que la dame vendait là, 5$. Mais ça reste un prix dérisoire au vu de la valeur que ces BD me coûteraient neuf. Vraiment des bons achats, ce qui a fait exploser mon nombre de BD à 970, donc c'est juste une question de temps avant que je vous annonce que j'ai 1000 BD dans ma collection. J'ai déjà hâte de savoir quelle sera cette 1000e BD, je vous en parlerai, c'est sûr, mais pour l'instant, je vous parle d'un livre que j'ai acheté au marché aux puces. J'ai acheté le livre « Menot, maître draveur » de Félix-Antoine Savard. J'avais déjà entendu prononcer ce nom sans en savoir plus. Et maintenant que je regarde Wikipédia pour savoir ce qu'on dit de ce livre, je peux lire « Menot maître draveur est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du roman de terroir québécois ». Bon, je l'ai lu vite, le livre fait 144 pages seulement, je l'ai commencé samedi soir au chalet, puis à 5h du matin, le lendemain, j'étais déjà debout pour le terminer. C'est du rapide, mais bon, je dois aussi dire que mon frère était aussi au chalet avec sa petite famille, et mon neveu s'est mis à jaser vers 5h du matin. Donc, n'arrivant plus à dormir, je me suis dit que j'étais aussi bien d'aller finir mon livre. Bon, de quoi parle ce livre? Et en voici le synopsis. L'histoire a lieu dans le rang de Mainsal, dans le comté de Sainte-Agnès, à Charlevoix. Menot est un draveur, c'est-à-dire qu'il s'affaire au printemps à s'assurer que les billots coupés l'hiver descendent de la rivière sans créer d'embâcle. Les autres personnages principaux incluent Marie, la fille de Menot, ainsi que le Délié et le Luçon, deux jeunes draveurs en compétition pour la main de Marie. Moi, j'ai eu l'impression, à la lecture de ce livre, de lire un long poème. C'est tellement bien écrit. Félix-Antoine Savard a su utiliser des mots qui s'enchevêtrent bien, ainsi qu'une pléiade d'expressions traditionnelles québécoises qui font référence à la vie d'antan. Donc, j'ai bien aimé le style d'écriture. Mais pour l'histoire, la fin est nulle à chier. Le Menot, le maître draveur, sans trop vous vendre le punch, va avoir de la misère avec sa raison. Et sa fille va aussi en arracher avec ses prétendants. Bon, moi j'aime pas les drames, j'aurais préféré une fin Walt Disney, mais ça reste un très beau livre à lire. Je vous en lis un petit bout pour vous montrer la richesse du texte. Durant des jours et des nuits, la montagne s'est enroulée dans les replis de la grande bordée. Elle règne maintenant, elle appelle dans le matin clair. Les chasseurs se sont levés et, dès le petit jour, dans les sentiers de la forêt, ohé! Ils pissent et battent les premières neiges. Tous, les tendeurs de lignoles qui levrotent dans la sapinière, les piégeurs de fourrure, les tueurs de grande race qui relancent le caribou sur le pelé des monts et se barbouillent de sang dans l'hécatombe chaude. De partout, du fond des coupes, du bord des lacs, la petite fumée bleuâtre des cabanes de chasse monte. Menot et le Luçon, eux, marchant à longueur de jour, ne s'arrêtaient que lorsque leurs pieds s'empêtraient dans les raies de l'ombre. Ils décollaient quand il faisait noir encore. Et eux devant, chiens derrière, ils enfilaient les passes sous les sapins affaissés. Ils traversaient les lacs ou le vent, sur la glace bleue, pourchasse la neige en délire. De temps en temps, le long des ruisseaux, Menot regardait si quelques pistes ne sortaient pas du trou noir où l'eau gargote. Et partout, c'était la même réflexion. Les bois sont pauvres cette année, c'est terrible. Il rallumait sa pipe. Puis, dans le silence claustral des pendants de montagne, à travers le bois chargé de neige, les raquettes recommençaient à battre. Et cela faisait une sorte de pulsation de vie qui réjouissait le cœur de la terre profonde. Les deux hommes parlaient peu, s'avançaient obliques et durs comme des proues dans le noble ruissellement de l'air vierge. Menot fauchait large des deux bras comme une jeunesse. Les yeux vifs, il s'émerveillait de mille choses qu'il ne se rappelait pas avoir jamais vues et qui lui paraissaient miraculeusement belles depuis qu'ils étaient venus les défendre. Ça s'amuse à crever le plus fort d'abord. Bête des bois. Bon, je suis de retour à la maison, 1200 km de route en plus sur le compteur de la voiture. Et avant la fin, vous aurez la suite et fin de l'histoire de mon bateau. Mais avant de vous la raconter, je souhaitais vous parler d'une auteure-interprète de slam et de poésie qui a le nom d'artiste Mel Buet. Pour vous permettre de comprendre ce qui m'a amené à avoir une discussion avec elle, je dois faire un petit saut dans le temps et remonter au début d'une autre histoire pour vous permettre de comprendre. Il y a quelques temps, je m'étais inscrit pour participer au microfilm Gigafest. C'est quoi ça? Eh bien, c'est Yann Thériault, un autre podcasteur que j'écoute puis qui produit le stream, qui a lancé cette idée d'un festival de courts-métrages, le microfilm Gigafest. Je m'étais inscrit. Ce que je devais faire était très simple, c'était de produire un film d'au maximum 5 minutes dans un format déterminé, qui est libre de tout droit, puis qui fait apparaître au moins un animal dans une des scènes du film. En gros, c'était ça. Rien de plus compliqué. Mais malheureusement, la date de remise du film tombait quand j'ai fait mon épisode de fièvre, grippe, virus à moitié mort. Donc, j'ai pas remis de film. J'ai donc seulement joué le rôle de spectateur une fois les films sortis. Pour ceux qui aimeraient voir à quoi les films ressemblent, c'est disponible dans YouTube. Juste taper microfilm GigaFest et en lancer la vidéo qui fait 37.41 minutes. C'est un montage avec tous les films. C'est du court-métrage amateur. C'est très rafraîchissant et divertissant. Les films ont été faits par des monsieur et madame tout le monde qui se sont donné beaucoup de peine pour produire de jolis petits films. Et c'est là-dedans que j'ai vu le film de Mel Buet, son film qui porte le nom de Pollen Éliminateur, dure 1 minute 30 et est sur la forme d'une longue prose que j'ai bien aimée. Bien aimée à cause du propos et surtout de la voix de l'artiste. Donc, après avoir écouté tous les films, je me suis élu un film préféré et c'était évidemment celui de Mel Buet. Et j'ai donc pris le temps de féliciter l'artiste dans Facebook. Voici un extrait de notre échange le 29 septembre à 8h59 du matin lorsque je lui ai écrit. Bravo pour ton film, dans le cadre du microfilm Gigafest, j'ai bien aimé le style. Et à ma grande surprise, elle m'a répondu immédiatement ceci. Je suis indisponible pour l'instant, je vous réponds à mon retour, merci. www.melbu.com. Bon, c'est pas vraiment sa réponse, c'est un message automatique. Déception, mais quelques minutes plus tard, j'ai eu une vraie réponse. Joie! Merci beaucoup. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il plaise. C'est la première fois que j'ose la poésie dans un milieu pas forcément propice. Ça me touche beaucoup. Et de là, on a échangé un petit peu ensemble. Et curieux, j'étais allé voir son site, comme son message automatique me l'avait si gentiment proposé. Et j'ai découvert de jolies choses. Premièrement, j'ai pu découvrir qui elle était. Dans sa présentation, on apprend qu'elle est originaire de Mélun, ville au cœur bétonné au sud de Paris, et qu'elle a posé ses bagages à Montréal en 2014 pour laisser l'écriture et la nature l'envahir. En 2018, son talent a été reconnu dans le cadre du concours Antidote, où elle a remporté un prix. On y apprend aussi qu'elle est passionnée par la langue française et qu'elle est la réincarnation d'un grand pain blanc. Bon, pour la portion de la réincarnation d'un grand pain blanc, j'ai vu sa photo et son branchage est beaucoup trop féminin pour me laisser croire qu'elle a des origines arboricoles. Mais comme j'ai saisi qu'elle aimait jouer avec les mots, j'ai plutôt compris qu'elle était probablement plus une métaphore qu'un grand pain blanc. Pour vous la présenter de façon plus concrète, écoutons ensemble le clip officiel de son slam Anarchie. Et pour la petite histoire, voici comment Anarchie est née. Un jour, un gros camion industriel au pot d'échappement plus que généreux s'est longuement garé devant chez elle, moteur allumé. En plus, il bloquait la ruelle. Elle est sortie, lui a demandé de s'en aller, puis il est parti en grommelant. 30 minutes plus tard, Anarchie était née. Je m'anarchise contre les excisions. les têtes de fion, l'épilation, certains prénoms, les bandes de cons, la déraison, les gros camions, certaines chansons, le manque d'ambition, les démolitions, les répétitions, les révolutions, les tartampions, les fellations obligatoires, les coucheries dans les dortoirs, les animaux à l'abattoir, l'enfant perdu dans un couloir, surtout quand il fait trop noir, les trous dans mon mouchoir et les pochards qui rentrent tard. Mais aussi contre les nids de poules, les petites boules, les gens dans le moule, les wesh ma poule, et l'eau qui coule, ça me saoule. Je m'anarchise contre les pelochons qui piquent l'oreille, les sons de cloche pas pareils, tous ceux qui boivent à la bouteille, la plume qui chatouille mes orteils, les bruits la nuit qui me réveillent! Mais quoi? Moi j'ai sommeil? Je m'anarchise contre les religieux, les sacs de nœuds, les pédophiles, les zoophiles, les fils de fer, les fanatiques, les scientifiques, les politiques, tous ceux qui piquent. Mais aussi contre la banquise en fonte. Tout ce qui me fait honte quand le sang me monte, la petite bête qui monte, les analphabètes, les mâles alphabètes. Quand est-ce que ça s'arrête? Je m'anarchise contre les voitures, l'air impur, les ordures, les gros durs, la censure, toutes ces choses dont je n'ai cure et qu'on impose à mon futur. Les gens fous, les jaloux, les courroux, les banques de sous, les sujets tabous, les coups par-dessous, les gros tas de boue. Mais aussi contre... les vauriens, les fourriens, les putains, les élus, les vendus, les faux culs, les sensus, les malvus, les trucs culs, les femmes battues, les paniers percés, les poissons panés, les têtes baissées, les langues ravales, les fausses politesses, le bassesse, le manque de vitesse, les petites fesses! Je m'anarchise contre les jeux de loi où tu finis toujours dans le puits. La mauvaise foi qui bousille la vie. Le pipi pas droit qui la cuvette salit. Les putois. Et puis contre toi! Ouais, toi, qui me regarde et qui te dit que je devrais fermer ma gueule! Quoiqu'avant de m'anarchiser, je vais peut-être analyser la situation pour ne pas banaliser mon exaspération ou l'exagérer. Parce que pour faire entendre raison aux donneurs de leçons, il faut connaître son sujet, considérer les faits, et ne jamais oublier qu'avant de juger, il est bon de se renseigner. Voilà, moi j'aime bien quand un artiste a le talent de placer les mots dans le bon sens pour leur donner du sens. Vous pouvez découvrir le reste de son travail sur son site, plein de belles choses, dont un podcast qui se nomme Slam Poésie, si jamais ce style vous plaît. Et je vois aussi qu'elle a un spectacle qui se nomme Telle terre, telle mêle, qui sera présenté le 21 octobre à 18h au rendez-vous du thé. Ces jeux de mots qu'elle manie bien m'ont fait penser à ce livre-là que je vous parlais tantôt, Menot Maître Draveur. Si jamais tu écoutes le podcast Mel, envoie-moi ton adresse dans Facebook, je te ferai parvenir le livre de Menot. Si tu l'as jamais lu, je suis sûr que tu vas l'apprécier. Bon, le Lobster repart en musique avec un autre artiste, poète slammer que j'ai eu la chance de voir en spectacle, Grand Corps Malade, et au retour, la suite et fin de mon histoire de bateau. Habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3. Juliette dans l'immeuble d'en face, au dernier étage. Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour, quand ils se voient, grandit dans leur regard une envie de partage. C'est au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas, sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leur corps. Ils s'embrassent comme des fous, sans peur du vent et du froid, car l'amour a ses saisons que la raison ignore. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Juliette et Roméo se voient souvent en cachette. Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête. Et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée. Alors ils mentent à leur famille, ils s'organisent comme des pros. S'il n'y a pas de lieu pour leur amour, ils se fabriquent un décor. Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro. Car l'amour a ses maisons que les darons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Le père de Roméo est vénère, il a des soupçons. La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t'approcher d'elle. Mais Roméo argumente et résiste aux coups de pression. On s'en fout papa qu'elle soit juive, regarde comme elle est belle. Alors l'amour reste clandé dès que le père tourne le dos. Il lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord. Pour elle, c'est sandwich au grec et cheese au McDo. Car l'amour a ses liaisons que les bifetons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Mais l'histoire se complique quand le père de Juliette tombe sur des messages qu'il n'aurait pas dû lire. Un texto sur l'iPhone et un chat internet. La sanction est tombée, elle ne peut plus sortir. Roméo galère dans le hall du bâtiment 3. Malgré son pote Mercutio, sa joie s'évapore. Sa princesse est tout près, mais retenue sous son toit. Car l'amour a ses prisons que la raison déshonore. Mais Juliette et Roméo changent l'histoire et se tirent à croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort. Pas de fiole de cyanure, n'en déplaise à Shakespeare. Car l'amour a ses horizons que les poisons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans un orage réactionnaire et insultant. Un amour et deux enfants, en avance sur leur temps. J'ai eu beaucoup de plaisir au chalet, même si le soleil n'a pas toujours été au rendez-vous pendant ma visite. Le dimanche, avec mes parents, on est allé au symposium des villages en couleurs. Il y avait plein d'artistes qui nous présentaient leurs plus jolies toiles. Nous avons été à Lens-Saint-Jean et à Petit-Saguenay. Puis en revenant de Petit-Saguenay, on a fait un détour par le quai du village. Et si certains lobsters visitent ce coin, faites un détour par ce quai. C'est tout simplement magnifique. Le quai s'avance dans l'eau et nous permet de voir tout le Saguenay dans ce qu'il a de plus beau à offrir. Et là, avec toutes les couleurs d'automne, on a eu droit à une explosion de couleurs. Donc, un bel endroit à découvrir, le quai de Petit-Saguenay. De retour au chalet, j'ai pas chômé. Mon père m'avait dit que mon oncle avait découvert de la glaise en creusant un chemin dans la forêt avec sa pelle mécanique. Je suis donc allé voir la qualité de la glaise. On en cherche depuis longtemps pour se faire un four à pain. Et miracle, la glaise était bien collante. C'est pas une glaise bleue de première qualité comme j'aurais aimé trouver, mais elle est suffisamment argileuse pour nous permettre de réaliser tous les projets qu'on a en tête. Avec cette glaise, on va pouvoir se faire un four à pain. J'ai aussi comme projet de nous faire un four pour la cuisson de briques. C'est simple, on se fait une structure en glaise et on met le feu dedans pendant plusieurs heures. Le feu, s'il est assez fort, va se charger de transformer l'argile en céramique. Et avec un four comme ça, on peut ensuite se faire un moule en bois rectangulaire pour faire des briques. On laisse sécher nos briques au soleil et lorsqu'elles sont bien sèches, ben, on les cuit dans le four. Puis pour les transformer à leur tour en céramique. Question des rentes bien dures. Puis avec ces briques, on peut se construire un peu n'importe quoi. Mon frère m'a envoyé déjà une vidéo qui montre comment se construire une petite piscine ou un petit spa qu'on peut chauffer comme un four avec du bois. Donc, des projets plein la main avec la découverte de ce gisement d'argile. Une autre chose qui va nous amuser, c'est les pivoines. J'ai récolté environ 600 graines de pivoines ce week-end dans notre pivoinerie. Et notre voisin, François Léo, le spécialiste des pivoines, lui qui fait ses propres pollinisations pour découvrir de nouvelles couleurs, il fait toutes sortes de recherches là-dessus, m'a donné plusieurs enveloppes contenant des graines issues de ses expériences. Donc, on s'est préparé un nouveau carré de terre pour planter tout ça. Mais les pivoines, c'est pas une fleur facile. Si on plante la graine dehors, il faut 2 ans pour voir un petit bout de fleur sortir. Et le taux de germination des graines n'est pas très haut, aux alentours de 25% si j'ai bien retenu la leçon. La première année, la graine, grâce à la chaleur et l'humidité, vont se créer des racines dans la terre sans se montrer le bout du nez. Ensuite, une fois les racines développées, les graines ont besoin d'une atmosphère froide et humide qui permettra l'apparition d'une pousse. Et ça, c'est notre hiver qui nous permet de fournir ces conditions-là. Donc, ça prend 2 ans pour voir une pousse sortir et ensuite, sachez qu'une pivoine nous prend 3 ans avant de nous livrer ses premières fleurs. Donc, c'est au bout d'un cycle de seulement 5 ans qu'on a un résultat. Notre voisin, lui, fait ça depuis des années. C'est un travail sur le long terme. Il nous avait donné 100 de pivoines de 3 ans il y a quelques années et cette année, on a eu 16 variétés de couleurs et de types de pivoines qui ont fleuri et qui viennent de nous livrer ces 600 graines. Donc, on a préparé avec mon père l'endroit pour semer ses graines, mais comme il mouillait à boire debout le matin où on préparait ça, on a juste préparé la place avec de la belle terre, puis ma mère va semer ça cet automne ou bientôt, dès que les nuages auront été soufflés un peu plus loin. Si jamais il y en a parmi mes lobsters qui aimeraient s'essayer à la culture de la pivoine, j'ai ramené une centaine de graines à la maison. Juste m'envoyer un message privé via la page Facebook du Lobster et me dire que vous aimeriez avoir des graines. Ça va me faire plaisir de vous en envoyer par la poste. Voilà! Maintenant, la fin de l'histoire du bateau. Oui, j'y viens. Mais juste avant, vous dire que je me sentais vraiment en région en revenant du chalet. Alors que je venais juste d'entrer dans le parc des Laurentides, direction Québec, j'ai doublé un orignal. Oui, un orignal. Un chasseur qui avait tué, plutôt que dépecer son orignal en quartier pour le manipuler plus facilement, il l'avait saigné et vidé, mais en le gardant entier. Et au lieu d'avoir une tête d'orignal sur le devant de son camion, il y avait un orignal entier. Il l'avait installé debout dans la boîte de son camion avec la tête qui repose sur la cabine. Puis il était en route pour Québec. Moi, la première chose en voyant ça que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié la température. Il faisait 13 degrés à ce moment. Bon, c'était pas trop chaud. J'espère juste qu'il était en route pour une chambre froide pour faire reposer sa viande à la bonne température. Car si tu veux pas tout gâter, c'est de pas laisser ça trop longtemps à la chaleur. Donc voilà, je me sentais vraiment en région au moment où je me suis fait doubler par un orignal. J'ai pris une photo, je suis pas sûr si elle est assez bonne pour vous la partager. Si oui, je la mettrai disponible en même temps que ce lobster. Quand vous paraissez bien, vous êtes à votre goût. Vous vous sentez libre, vous êtes vous-même. Vous savez qu'on aime la joie qu'on voit en vous. Vous êtes bien dans votre peau, ravissante, ravissante, Wonderbra. Toujours dans le parc, en arrivant à proximité du lac Jacques-Cartier où se trouvait mon bateau, j'avais dans la tête d'arrêter voir la police pour leur faire part de mes découvertes. Et oui, ayant abandonné toute idée de récupérer l'embarcation pour moi-même, j'avais prévu d'arrêter au bureau de la SQ proche de l'étape. Mais juste avant, j'ai vu un panneau qui annonçait l'accueil pour les chalets de la CEPAC autour du lac Jacques-Cartier. Donc, j'ai plutôt viré là et je suis allé jaser avec une jolie demoiselle qui travaille à l'accueil des chalets. Voici notre discussion, gracieuseté du dictaphone de mon iPhone 5. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Oui. Louez-vous des canots avec vos chalets? Une question comme ça. Parce que j'ai marché sur le bord du lac Jacques-Cartier. Yep. J'ai trouvé un canot échoué. Puis je me suis dit, c'est peut-être à vous. C'est une chaloupe. C'est un genre de canot. C'est la marque, c'est Matto. M-A-T-T-A-U. Puis... Ça va être au chalet. OK. Il y a des chalets des Premières Nations, Huron ou Innu. OK. Le long du lac. Ça se peut que ce soit les autres. OK. Parce que j'ai sorti le canot de l'eau, puis je l'ai mis sur la grève, puis je l'ai attaché après un arbre. Puis je me suis dit, mais là, j'ai dit, je ne sais pas à qui le dire, parce que l'hiver va passer aussi. Là, si quelqu'un l'a perdu, ce serait mieux qu'il le ramasse avant l'hiver. Bien, je vais prendre ça en note. C'est sûr, je me demande si on a les contacts. Je vais demander à mon gérant, parce que j'ai aucune idée. Mais clairement que c'est à eux autres, parce que si c'est pas tagué, c'est pas que... Okay. Puis il est facile à trouver. Il est passé à 2 km d'ici, il y a la place pour aller au... C'est marqué Chalet Jacques-Cartier. Oui. Après ça, il y a la halte routière. Puis moi, je suis parti de la halte routière, puis j'ai marché sur la grève 500 mètres à peu près, puis il est attaché là, sur le bord. OK, fait que dans le fond, c'est vraiment pas ici, là. Non. Vous êtes allé au Jacques-Cartier, puis... À la halte routière, là. Une espèce de belvédère. Oui, là. C'est ça. OK, c'est beau. Puis c'est à 500 mètres de là, sur la grève. Ben oui, OK, c'est ça. Fait que belvédère. Puis de marque... Matto, M-A-T-T-E-A-U. C'est bon? Oui, merci beaucoup, mais c'est gentil. Passez une belle journée. Bye-bye. Bye-bye. Voilà, le bateau appartiendrait donc aux Premières Nations Huron ou Innu. Et quand elle m'a dit ça, j'ai senti un petit frisson me passer dans le dos, comme un coup de vent qui est venu me refroidir les chines. Un instant, j'ai eu l'espoir de me trouver dans une forêt mystérieuse et magique. Comme dans l'histoire de la course. Mais non, j'ai eu beau attendre quelques secondes, personne ne s'est jeté sur moi pour m'embrasser. Je suis donc retourné à ma voiture, sous l'eau, sous la pluie, et il semble qu'on doive se contenter d'une fin aussi banale pour mon histoire de bateau. Mais en repartant, j'ai pensé à tout ça. Même si j'avais pas volé l'embarcation et que j'avais seulement eu l'intention de la ramasser, je me suis demandé si j'avais pas froissé un des dieux des Premières Nations. Bon, les Amérindiens n'ont pas vraiment de dieux, mais quand même, ils donnent de l'importance aux rêves et chaque animal a une signification. Puis en roulant pour le retour, tout de suite après avoir quitté le kiosque d'accueil de la CEPAC, le temps s'est fait bizarre. Un gros brouillard m'est tombé dessus et je voyais plus rien. Et à un moment donné, dans ce gros brouillard, j'ai vu un orignal foncer sur moi. Heureusement, il m'a pas frappé. Non, c'était juste l'orignal dans le camion du chasseur que je venais de rattraper une seconde fois à cause de mon arrêt au camp. Ouf, quand même. Mais j'ai été voir sur Internet la signification d'un orignal dans les rêves autochtones et ça dit entre autres que d'en voir une apparition signifierait de très mauvaises choses, surtout si on a eu des mauvaises intentions avec le bien d'autrui. Non, sans blague, je déconne, rien sur l'orignal sur Internet. Je cherchais juste une fin un peu mystique à mon histoire et j'ai rien trouvé de crédible pour appuyer ma finale. Donc, c'est fini comme ça. Donc oui, toute l'histoire du bateau se résume à frais de sortie des eaux du lac Jacques-Cartier, une embarcation qui appartiendrait probablement aux Premières Nations. Mais résumé comme ça, en une seule ligne, c'est beaucoup moins sexy que mon histoire. Donc, contentons-nous de ma version longue. Donc, on part un peu en musique et on va faire plaisir tout de suite à mon ami Martin. Donc, une chanson pour lui. We'll be right back. On vient d'écouter We Are du groupe Aldius, qu'on a déjà écouté dans un précédent Lobster. J'adore cette chanson, donc elle a fait un petit retour avec nous. Voilà, on arrive déjà à la fin du Lobster 15.0, mais il me reste encore une petite histoire en banque que je voulais vous raconter. Ça n'arrête plus. Je sais pas si vous vous souvenez, je me suis fait aborder par une jeune dame d'une façon assez inusitée dernièrement dans le train. Une fille qui me tendait la main avec un rouleau de papier de toilette. Eh bien, ça continue. Cette fois, ça me suit à la maison, chez moi. Une autre rencontre inusitée. Vendredi après le travail, alors que j'avais terminé mon ménage de la maison, je me suis lancé dans la tonte de la pelouse. C'était probablement la dernière fois que je tondais la pelouse avant l'hiver, donc je me suis dit, je vais faire tout le terrain. Car des fois, je fais juste en avant de la maison. Derrière, je suis plus tolérant. J'aime ça avoir des jolies fleurs sur mon terrain que je peux voir pousser un peu partout. Donc, j'étais en train de tondre depuis un bon 30 minutes quand, comme un mirage dans le dessert, des paires de tentacules blanches et noires se sont élevées au-dessus de ma clôture pour me faire des signes de tentation, des signes de m'approcher, des signes pour attirer mon regard. Quatre bras en fait, deux blancs, deux noirs, que je ne pouvais rattacher de mémoire à aucune créature du livre de Donjons Dragons. J'ai donc lâché ma tondeuse, qui immédiatement s'est tue pour écouter la suite. Je me suis donc approché de l'endroit où les deux paires de bras se faisaient aller. Armé d'un râteau, je me suis préparé au pire. Mais heureusement, j'ai vu que les deux paires de bras étaient rattachés à deux dames. Donc, l'idée folle d'un monstre à quatre bras s'envolant, j'ai lâché mon râteau protecteur. Mais je me suis immédiatement demandé ce qu'elles avaient à s'exciter comme ça sur le bord de ma clôture. Serait-ce des témoins de Jéhovah? Non, ils n'ont jamais l'énergie suffisante pour s'agiter comme ça. Serait-ce deux femmes qui sont perdues sur mon terrain et cherchent le gîte et la chaleur chaude d'un lit pour la nuit? Pas sûr, c'est plus dans mes rêves que j'ai ce genre d'histoire-là. Je me suis donc approché pour entendre ce qu'elles avaient à dire. Une avait un beau ton ébène à faire rêver, ce qui explique les paires de bras aux différentes colorations. L'autre dame avait un sourire à faire revivre mes rudes béquilles en train de faner sur le terrain. De plus, comme elle s'était avancée du côté droit de mon jardin pour attirer mon attention, où se trouve ma petite vigne, mon cerisier, mon kiwi, mon pommier, on était donc entouré de verdure et de beauté, un peu comme au jardin d'Éden, où cette fois, Adam aurait été en compagnie de deux jeunes femmes dans son paradis. Comme elle me tendait la main gentiment, je me suis excusé. Je ne pouvais pas leur serrer la main car j'avais les mains toutes sales à tondre la pelouse. Elles se sont donc présentées, puis enfin, j'avais affaire à la conseillère de la ville accompagnée de son adjointe. Elle venait pour la collecte sélective. En effet, sur mon île, on commence bientôt les bacs bruns. Nos vieilles pelures de patates vont maintenant servir à faire du compost. Comme elle avait cogné en vain à ma porte et qu'elle m'avait entendu en train de tondre la pelouse, c'est pour ça qu'elle s'était avancée à la clôture en essayant d'attirer mon attention. J'ai donc écouté leur histoire, j'étais pas mal intéressé, on a jasé plusieurs minutes et à la fin, j'ai eu le droit à une planche à couper les légumes de Ricardo pour les avoir écoutés. Mais bon, je suis bien fan, bien fier de ma ville, c'est une bonne idée de composter une partie des déchets. Moi, je le fais déjà sur mon terrain, mais eux vont composter pas mal plus de choses que moi, comme les os, les papiers mouchoirs et un paquet d'autres choses listées sur le pamphlet qu'elles m'ont remises. Voilà, cela met fin à ce Lobster 15.0 où j'ai parlé pas mal de tout et jamais de rien. Donc, sur ce, je vous laisse avec un peu de musique et je vous dis à la semaine prochaine! Chip, chip, chip, chip, chip.